Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la gourgane à la population d'Albanel et félicitent les organisateurs. On va parler avec un gars de Dolbo-Mistassini qui a obtenu un bel honneur. En tout cas, il était bien fier de l'annoncer. C'est Alex Bussière de Dolbo-Mistassini. Alex Bussière qui a été nommé comme entraîneur adjoint sur l'équipe canadienne qui va monter l'équipe américaine. On va parler également de sa saison. Salut Alex. Salut Yanni. Alex, si on parle un peu de ta saison, d'abord, comment ça va? Est-ce que tu es content? Relativement. Je vais t'avouer qu'on n'a pas eu les résultats escomptés en fonction de ma forme parce que okay. J'étais dans une de mes meilleures formes à vie, mais j'ai pas réussi à sortir un peu comme les performances. Sauf que pour une fois, en 6 ans depuis que je suis à Québec, j'ai réussi à éviter les blessures pendant de janvier jusqu'à présentement. Donc, on a comme un peu changé d'approche à l'entraînement, puis je pense que ça va être payant pour les années à venir. Quand tu as dit que j'ai changé d'approche, c'est quoi que tu as fait? D'un, j'ai beaucoup ralenti mes jogs. Okay. Je joguais beaucoup vite. On a changé un peu ça. Cet hiver, au lieu de travailler en vitesse, on a fait une bonne base de long. On a fait beaucoup de millage en entraînement. On a fait moins de pistes intérieures. J'ai pas fait de compétition. C'est sûr que là, j'arrivais moins en forme de vitesse de 800 mètres à l'été. Okay. Parce que, comme je te dis, on voyait ça comme un travail à long terme. Fait qu'on a réussi à éviter les blessures. Ça va être encourageant si on réussit à empiler les années d'entraînement. OK. J'imagine que ça te fatiguait, tous ces entraînements-là, là, tu sais, quelque part, là, physiquement, c'est ça? Ouais, ça arrête jamais, on va se dire. C'est 6 jours sur 7, parfois 8 jours sur 7. Là. Ouais. OK. J'imagine aussi ton corps répond mieux à ça. Pardon? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. OK. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qui t'attend là, d'ici la fin de l'année? J'imagine que ça a commencé à payer, j'imagine, tout ça? Là. Ouais, ben c'est ça, justement. T'sais, comme je viens de te dire, on a réussi à utiliser des trucs. Ouais. Donc là, on prend là, je tombe dans mon off-season à partir de maintenant. OK. On fait un bon 10 jours de repos pour ensuite s'enligner pour ma première saison de cross-country depuis 2014-2015. Ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Ça fait vraiment un bout qu'on n'a pas réussi à aller chercher une saison de cross-country. Puis là, on a réussi à monter une bonne base solide, mais on va s'en venir vers les cross-country qui étaient très payantes quand je les faisais. Donc, j'imagine que c'est de très bon augure pour l'athlétisme qui va s'en suivre après. Quand tu parles de préparation, une préparation d'une course d'un cross-country, c'est pas pareil partout, hein? Non, vraiment pas. T'sais, comme en cross-country, on va te dire, c'est augmentation beaucoup de millage. Ce ne sera pas nécessairement des entraînements très vite qu'on cherche de la vitesse, mais on enfile des bons 100 à 150 kilos selon les athlètes. Donc, c'est sûr que c'est différent. On mange plus, on est plus fatigué. On rentre à l'école en plus, donc c'est quand même assez difficile dans une saison d'athlétisme. Mm. C'est de la vitesse. C'est pas des entraînements nécessairement qui sont longs, mais qui fait mal rapide. C'est un peu une dynamique très différente. À la compétition, es-tu moins fort? Non, c'est relatif non? Encore, je pense. Okay. Ça fait parce qu'au final, il y a des athlètes de 800 mètres qui vont bien performer en cross-country comme moi quand je l'ai fait au secondaire aussi, tu vas te ramasser avec des athlètes de 10 000 mètres de demi-marathon. T'as même des gars de marathon qui descendent en cross-country. Fait qu'au final, ça fait en sorte que la compétition est quand même très relevée en cross-country aussi. OK. Parce que, évidemment, pour ça, j'imagine qu'eux se servent de ça de préparation aussi. Parce qu'un cross-country, t'as des côtes, t'as pas nécessairement des côtes de 800 mètres et ainsi de suite. Donc, ça, ça aide à bien préparer. Oui, c'est ça. Un athlète comme moi qui est plus athlétique, c'est sûr que pour nous, on le voit pas comme une grosse saison en tant que. On le voit comme une saison, mais comme pas une grosse saison de compétition. Le but vraiment, c'est de comme ça faire une bonne base, des bonnes fondations pour l'athlétisme. Mais il y en a certains athlètes qui ils performent vraiment en cross-country puis que eux, c'est vraiment le focus de de l'année. OK, OK. Est-ce que maintenant, si on parlait un peu de ton honneur que tu as mérité, tu étais vraiment content. En fait, tu as été nommé comme entraîneur adjoint de l'équipe canadienne. Si on parlait un peu de ça, d'abord, qui t'a approché au départ? Est-ce que tu avais fait tu avais envoyé ton curriculum vitae ou c'est vraiment Athlétisme Canada qui t'a approché et te l'a offert? Non, là-dessus, j'ai vraiment été chanceux. En fait, c'est que j'ai une athlète qui s'est qualifiée, Anne Saint-Amand. Elle s'est qualifiée sur cette équipe. Et eux, pour une première année, ils voulaient amener un entraîneur adjoint pour comme justement commencer à grossir un peu leur équipe de marche athlétique. Donc, moi, ils sont venus me demander si j'étais intéressé. Je leur ai dit certainement parce que j'allais monter à Nîmes voir mon athlète avec les parents. Donc, aussitôt que moi, j'ai dit que j'allais être là, ils m'ont réécrit en me disant, ben écoute, on aimerait ça t'avoir dans l'équipe. On te le propose, viens en tant qu'entraîneur adjoint à Toronto. Fait que je me suis dit, bon, ça va être une super belle expérience. Après ma première équipe provinciale cet hiver, là, une première équipe canadienne, c'est pas nécessairement tout le monde qui vit ça en un an. Donc, à 24 ans, je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur ces deux équipes-là pour rentrer ça dans mon CV. OK. Toi, c'est ça quelque chose que tu aurais aimé faire aussi, j'imagine, hein? Après ta carrière, c'est-tu quelque chose que tu aimerais être entraîneur de... Ouais, moi, c'est certain que j'ai été là-dedans, en fait. Donc, moi, c'est sûr que je m'enligne pour une carrière d'entraîneur. Fait que pour ça que avoir ces deux équipes-là, surtout une équipe canadienne, avoir une bonne reconnaissance de l'équipe Canada, c'est sûr que pour moi, c'est un gros plus. Et puis, en plus, je remercie beaucoup Jocelyn parce que c'est lui qui m'a starté dans la marche rapide. Ouais. J'ai jamais vraiment pris des cours d'entraîneur ou quoi de même. C'est que je l'ai appris en la regardant, en le vivant avec le club 10 000. J'ai commencé à faire ma propre identité de coach, puis ça a donné que j'ai certains bons athlètes qui sortent en marche athlétique. Fait que là-dessus, je remercie Jocelyn beaucoup parce que sans lui, j'aurais jamais pu découvrir c'est quoi ce sport-là. Et au final, c'est ça qui m'a fait faire une première équipe canadienne. T'sais. OK. Et la compétition comme telle, c'est quoi, hein? Canada-États-Unis? C'est un duel de marche athlétique de Canada contre les États-Unis. Donc, les deux pays envoient environ 5 athlètes, c'est junior en fait. OK. Fait qu'ils envoient 5 athlètes hommes, 5 athlètes femmes juniors dans les deux côtés. Justement, ils s'affrontent dans un 5 kg pour les femmes ou un 10 kg pour les hommes. Mm-hmm. Puis ce qui est le fun cette année, c'est que les NACAC sont à Toronto aussi, donc une grosse compétition continentale en athlétisme. Donc, on est conjoint avec l'équipe canadienne des NACAC. Donc, je vais pouvoir comme voir tous les entraîneurs, jaser avec eux, je vais pouvoir vivre l'expérience NACAC aussi en même temps, comme c'est comme dans la même compétition. Okay. Pour moi, c'est un gros plus, c'est vraiment une belle expérience. OK. Ben Alex, on va te souhaiter la meilleure des chances, on continue à te suivre évidemment. Fait que, puis est-ce que tu viens d'Olbeau au cours de l'été? Ouais, je vais venir autour du 3-4 août après les Jeux du Québec. Ah ouais, OK, c'est vrai que t'es là encore. Je m'en vais au Jeu du Québec avec l'équipe de Chaudière-Appalaches du 27 au 31 août. Donc après ça, je vais me prendre une petite semaine de vacances à Dolbeau. OK. Ben Alex, on va te donner la meilleure des chances pour continuer à te suivre. Parfait. Merci beaucoup, Danny. Alex Bussière de Dolbeau-Missisni.